Bien dégagé derrière le portefeuille, je suppose. Oui, tout à fait. Des prix coupés en deux. Magnifique. Pearl Opticien coupe les prix en deux. Profitez-en vite. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein ? Pearl. Conditions sur pearl.be. La première, 11h midi, le samedi, bientôt à table, avec Sophie Mouns. Bonjour à tous, bienvenue à notre table du samedi. Au programme du jour, un chef triplement étoilé, un fromage de saison et une viande à nous faire devenir fou, la pluma. Et puis Carlo aussi. Bonjour Carlo. Bonjour Sophie. Vous nous faites devenir fou. Je ne suis pas une viande à vous faire devenir fou, enfin ça dépend qui. Alors Carlo, oui. Notre chef du jour, un grand monsieur de la gastronomie française, 3 étoiles au compteur, vous imaginez. Une passion pour le partage du savoir et de toutes ces techniques pour travailler le bon produit. Notre homme du jour, Régis Marcon, que nous retrouverons depuis ses cuisines. On est en Haute-Loire, un endroit sublimissime, et il nous fera découvrir son nouvel opus dédié aux herbes sauvages. C'est passionnant. À moi, un fromage, c'est notre nouveau rendez-vous gourmand et fromager de ce millésime 2016. Celui qui s'y collera, c'est Maître Julien Hazard, fromager affineur. Bonjour Julien. Bonjour Sophie, bonjour Carlo. Salut Julien. Chaque mois, vous viendrez désormais nous retrouver, nous proposer une petite découverte fromagère. Aujourd'hui, focus sur le Mondor AOP. Qui est bien de... Mondor, français ou suisse? Ah ben je vais expliquer tout à l'heure. Ah ben voilà, vous nous ferez découvrir tout ça, mais pour l'heure, Carlo, focus sur une viande qui fait fureur sur les assiettes des carnassiers du monde, la pluma. Envie d'en savoir plus, c'est dans quelques secondes. Mais je dois juste vous rappeler que vos réactions, vos questions sont évidemment les bienvenues via le site lapremière.be ou via notre page Facebook La Première, bientôt à table. Bientôt à table sur La Première. La pluma quoi ? C'est quoi ça ? Ah ben oui, mais, vous savez, ici on aime le local et pour une fois je vous ramène du cochon ibère. Parce que quand on parle de la race des seigneurs du porc, quand ça devient une viande de luxe, nos regards se tournent vers l'Espagne. Même si, on le sait, on le dit, on les reçoit régulièrement dans cette émission, il y a de très bons porcs fermiers de par chez nous. Mais on va parler aussi des coupes. Bon, on rappelle juste une chose. En Espagne, les cochons sont bien entendu, il y a les cochons, ils sont espagnols, ils donnent les jambons espagnols, mais il y a deux grandes familles. Il y a la famille parle des jambons, des serranos, c'est-à-dire de montagne, c'est des cochons en général classiques. C'est-à-dire ceux qu'on trouve chez nous aussi, voilà, les Duroc. Le cochon rose et sympathique qui vous regarde de son œil si gentil. Et vous avez les cochons ibériques. Donc si on reste toujours dans la famille des jambons, vous avez le jambon ibérico. Bah, il vient du cochon ibérico. C'est un cochon en général noir ou tacheté. Alors, on ne va pas faire l'histoire des jambons, ce n'est pas le moment. Évidemment, tous ces cochons qui sont propriétaires de au moins 2 jambons, qu'est-ce qu'on fait avec le reste ? Ben, on fait de la bidoche, évidemment. On fait du salchichon et du chorizo. Mais et sinon, maintenant, il y a une tendance. J'aime bien l'accent. Salchichon et chorizo. Mais en fait... Allez ! Voilà. Ah bah oui, c'est le fromage aussi, mais... Ben, évidemment. Mais ces animaux... il faut, tant qu'à faire de manger de la viande, il faut valoriser les carcasses. Et donc, on trouve aussi de plus en plus de par chez nous des découpes spécifiques de cochons ibériques qui sont tout à fait habituelles en Espagne et qu'on ne trouve pas forcément chez nous. Rappelons quand même que le porc ibérique, il y a une infinité de qualités différentes selon que ce brave porc était élevé en stabulation ou pas. Oui, alors là, justement, le top du top, c'est le Bayota. Donc, voilà. Ce sont des porcs élevés et nourris de gland. Ils sont en parfaite liberté. 1 hectare par cochon. Le Recebo, là, on est à un mélange de farine et de gland. Et le Sebo, c'est effectivement le jambon dont on a souvent affaire en grande surface. C'est du porc industriel, quoi, nourri de farine. Pas si industriel, parce qu'il mange quand même pas trop. Il est quand même en stabulation, quoi. Oui, mais c'est quand même une race noble et qui mange quand même des bonnes choses par rapport... Enfin, le sebo, c'est quand même de l'estabulation, quoi. Il n'est pas en parfaite liberté, il ne mange pas des glands comme on... Il y a beaucoup de porcs fermiers qui sont en estabulation chez nous. Bien sûr. Juste, il y a un détail, entre-temps, depuis la dernière fois, on avait parlé de ça dans Bientôt à table, le recebo légalement a disparu. Donc maintenant, on n'a plus que sebo et bayota, ce qui veut dire que il y a certains bayota qui sont en fait des recebo, mais on ne va pas rentrer là-dedans, parce que sinon, on va attraper très alors, mal à la tête. C'est de pluma, on va peut-être... Il n'y a pas que la pluma. Il y a trois grandes découpes espagnoles qui sont vraiment très typiques. Il y a le secreto, c'est le début de la poitrine, c'est toujours un secret, ces choses-là, juste avant le lard, un peu la partie la moins grasse du lard. Il y a la presa, c'est l'avant du dos, ça c'est l'avant spiringue, c'est un morceau très très gras. Et puis il y a cette fameuse Pluma. Mmh. Je pense qu'on posera la question tout à l'heure à Régis Marcon, je pense qu'il a sûrement un avis là-dessus. Ouais. Et donc, ça c'est vraiment une pièce, la Pluma, on la alors que les deux premiers, on les trouve même en grande distribution chez nous, la Pluma, on va devoir la chercher chez des fournisseurs spécialisés. C'est une pièce triangulaire, mmh. un onglet, et c'est vraiment, c'est d'un fondant absolument incroyable. Et non seulement c'est bon, mais j'ai envie de dire que c'est de la viande de cochon éducative. Parce que, comme ce porc est à la mode, mmh. on va accepter en tant que consommateur, en tant que gourmand ou que gourmand qui s'initie, on va accepter des choses qui nous feraient peur en temps normal. Normalement, quand on mange du porc, on va manger ça bien cuit parce qu'on dit toujours que la viande soit bien cuite. Mais là, comme c'est plus gras, ah c'est bah persillé, si on le cuit trop, ouais. on perd absolument tout. Il faut le manger rosé. Et surtout, on se rend compte d'autre chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre une sauce aux abricots avec ça. Parce que, aux abricots. Ou même un Crancé Blackwell. C'est italien ça, bah ouais. sauce aux abricots. Mais c'est bon ouais. C'est bon, mais c'est bon avec un rôti vitrifié ouais. à 200 degrés. Enfin là, on a affaire à des morceaux ça tellement particuliers. Vous prenez ça. Bon, ça. Alors, vous, éventuellement, vous chauffez le four à 60 ouais. degrés pour le garder au chaud. Parce que c'est des morceaux pas très épais, que ce soit Secreto, Pluma. Et donc, vous le saisissez dessus-dessous après avoir salé, vous poivrez. Donc, on fait croûter légèrement. Oui, on fait croûter. Mmh. Et puis, on laisse un petit peu reposer au four à 60 degrés. Ouais. On découpe éventuellement en lamelles et juste vraiment un filet d'huile d'olive, éventuellement deux petites aiguilles de romarin, si vraiment on veut. Et c'est absolument tout. Vous faites quelques pommes de terre rôties au four avec oui, ça. Oui, quelques légumes racines, là, en ce moment, bien oui, rôties. Éventuellement, ouais. mais vraiment, au plus simple, au mieux, ouais. une salade pour se rafraîchir un petit peu le palais, pour enlever voilà. tout ce gras. Et voilà. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, en grande distribution, on voit de plus en plus souvent ce genre de produits. Voilà. Sinon, torturez votre boucher pour qu'il en ait. Hein. oui, non, mais voilà. Mais je voulais en parler parce qu'on avait reçu pas mal de questions ces dernières semaines sur ce morceau de viande, Pluma. Beaucoup de personnes se posaient des questions sur cette qualité, sur ce dont on parlait. Mais voilà, je crois que vous avez fait Pluma. Le point. Plumon. Voilà, et sinon, et n'oublions instants, pas, Pluma Secreto e Presa. Voilà, et chorizo. Chorizo. voilà. Et plata au plomo. Non, ça c'est autre c'est chose, ça, c'est dans l'art. On va mettre une petite idée de recette, oui. évidemment, sur le site lapremière.be. Martha High, Love Light, c'est tout de suite. Et juste après, nous retrouvons notre chef du jour, monsieur, c'est avec un grand M, Régis Marcon. Carlo, je vous le disais, nous prenons sans plus tarder la direction de Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire où nous accueille très gentiment un très très grand chef, monsieur Régis Marcon, 3 étoiles au compteur. Bonjour chef. Bonjour chef. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. On vous a déjà reçu dans cette émission lors de la sortie de votre ouvrage sur les champignons, une émission qui a cartonné avec tous vos petits conseils. Vous nous aviez mis l'eau à la bouche. Vous rempilez cette fois-ci, Régis Marcon, avec un ouvrage merveilleusement bucolique. Ça s'appelle Herbes, 70 herbes potagères et sauvages, 130 recettes. Avant cela, je voudrais quand même que l'on revienne sur ce destin culinaire et familial incroyable. Donc vous êtes originaire de la Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid, une maman qui va reprendre le café du village. Et puis vous, c'est une carrière fracassante, hein. Brevet de maître de cuisine, une étoile au Michelin, lauréat du prix Tétinger, du prix Bria Savarin, lauréat du Bocuse d'Or, une 2e étoile, cuisinier de l'année, chevalier de la Légion d'honneur et puis enfin une 3e étoile en 2005. On ne s'arrête jamais chez les Marcon. Je suis toujours un peu gêné quand on débite un peu de tousser. Non, ce qui est important, c'est qu'à mon âge, on est encore complètement la passion de ce métier. Oui. Puis c'est comme vous le disiez à l'instant, c'est une aventure qui va au-delà de la cuisine et du restaurant. C'est un village en moyenne montagne, au Massif central, oui. Et on a tous voulu, mes collègues et moi, de faire revivre, et c'est ça qui nous paraît le plus important. Alors, on parlait il y a un instant, avant de vous avoir avec nous, de la pluma pata negra, un morceau de viande fabuleux. Alors, je sais que dans votre région, où vous élevez énormément de belles races de cochons, la pluma, ça vous parle lorsque j'évoque ça, ou pas ? Oui, c'est un morceau de choix. Hein. Oui. En fait, la pluma est située à la pointe de l'échine du porc, et la typicité de cette viande, c'est qu'elle se rapproche un petit peu de celle du bœuf, ne serait-ce que par sa couleur, avec une certaine muscle, avec des fibres musculaires un peu grasses, qui fait que c'est une viande qui est très tendre, avec un goût assez particulier. Est-ce que du bœuf, comme je me demandais, est-ce que par chez vous, cette découpe qui est quand même typiquement espagnole, est-ce que certains la pratiquent, certains vont isoler ce morceau qui n'est pas dans la tradition bouchère française habituelle ? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, nous, on a une tradition de découpe qui est tout à fait différente. C'est souvent des morceaux de porc qui sont traités en rôti. C'est presque, je dis pas dommage, mais c'est quand même un morceau de choix pour les grillades, le barbecue, la poêle. Ça fond. Carlo nous en parlait. Quels sont les porcs que vous aimez travailler personnellement sur votre carte, chef ? Alors, nous, on a un porc qui était de race locale, mais paraît-il fort longtemps, qui est le Mangaliza. Oui. Ah oui. C'est un porc hongrois. On l'appelle le porc de laine, d'ailleurs. Quand on voit des animaux, d'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'on dirait des moutons. vraiment, je retrouve, alors on est toujours un peu nostalgique, vous me direz, mais je retrouve toujours ce goût de cochon très particulier quand on dégustait les jambons, notamment. Et là, vraiment, on a une viande très particulière. Et depuis d'ailleurs 2 ans, puisque nous avons maintenant 2 producteurs locaux, oui. Nous l'utilisons aussi dans les terrines et on voit une réelle différence. Magnifique. Au niveau gustatif. Alors aujourd'hui, vous travaillez de concert avec votre fils, Jacques Marcon. On peut vraiment parler d'une cuisine régionale, revisitée, hein, qui privilégie les mets, les produits locaux. Parmi la tradition familiale, Régis Marcon, il y a toute cette culture de la cueillette des champignons et des herbes sauvages. Vous leur dédiez d'ailleurs un ouvrage. La cueillette, ça fait partie aussi de cette aventure de la cuisine ? Oui, parce que en fait, c'est notre parcours, le parcours de beaucoup de cuisiniers. Je ne vais pas vous cacher que quand j'ai démarré ici, ce n'était pas ma principale préoccupation. On avait un petit restaurant avec mon épouse. On était affairés un peu de partout. Et puis après, on se pose la question, notre cuisine, lui donner un petit peu plus, je dis, peut-être du sens, voire une ligne directrice. Et il s'avère que c'est presque les clients, c'est presque aussi notre entourage qui nous incite à découvrir les belles choses qu'on peut avoir dans la nature, ne serait-ce que les champignons, les herbes. Et puis après, alors ça devient vraiment plus qu'une passion de la cuisine, la découverte. On ne peut pas marcher sans avoir les yeux rivés au sol pour découvrir telle ou telle herbe. Et ça devient vraiment très intéressant parce qu'on en découvre chaque année, tous les jours. C'est presque infini, les herbes. Chef, est-ce que ça fait partie de la tradition locale ? C'est-à-dire, est-ce que les gens du cru allaient cueillir, outre les champignons, ça, je pense qu'effectivement, ça fait vraiment partie, mais est-ce qu'on allait chercher du plantain, de l'ail des ours, ce genre de choses dans les bois ? Est-ce que c'est quelque chose qui est enraciné dans la tradition ou pas du tout ? Alors, je ne vais pas vous cacher, ça se faisait, ça se fait toujours encore, mais que sur des herbes particulières, un peu comme le champignon en fait. D'accord. Le champignon chez nous, il se ramassait le steppe, la girole, 2-3 trempettes, etc. C'est tout. Après, quand on découvre le champignon, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres espèces qui sont fort intéressantes, qu'on retrouve maintenant sur les marchés. Bah, c'est pareil pour les herbes. Je crois que la cueillette, elle était plus, bon, quelques herbes un peu sauvages, les soupes ou aromatiques, mais ça se limitait quand même. Et c'était plus sur les herbes médicinales. Oui. Ah oui. Il y a toujours une tradition ici très ancrée, puisque nous avons les boutiques d'herboristerie n'ont pas disparu. C'est ce qui explique qu'il y a encore en moyenne montagne une médecine de la nature. Quoi. Mm-hmm. Alors maintenant, bien sûr, on s'y intéresse de plus en plus, et puis on s'aperçoit que bon, il y a une quantité d'herbes qui sont hyper intéressantes, quoi. Que ce soit au niveau de la texture, les petites salades ou autres, que ce soit au niveau gustatif, bien entendu. voire aromatiques, et on en redécouvre encore. Alors ces herbes aujourd'hui omniprésentes dans votre cuisine gastronomique, on est au mois d'octobre là, Régis Marcon, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'herbes à aller découvrir dans nos forêts, dans nos champs? C'est plutôt une période un petit peu tristounette, non? Ou je me trompe peut-être justement? C'est vrai qu'il y a la meilleure période, c'est ce qu'on appelle l'époque de la Saint-Jean. La Saint-Jean, ça... un caractère festif, etc. C'est... Donc, la Saint-Jean, Carlo Vous m'avez bien eu, hein. J'aurais pas dû faire... Il faut que vous nous aidiez, chef. Ça doit être, à mon avis, du côté du mois d'avril, quelque chose comme ça. Regarde comment oui, le fait, début mai, mois voilà. d'avril, et c'est là que toutes les pousses commencent à sortir, voire sont déjà bien... Et la plupart des herbes comestibles ont l'avantage d'être tendres, c'est-à-dire qu'elles se dégustent telles qu'elles. Après, par la chaleur, pour... un peu plus de sécheresse, elles deviennent, notamment le plantain, notamment l'aquilée, deviennent un peu plus rêches, un peu plus amères, elles ont un tout petit peu moins d'intérêt. Mmh. Après, il y a toute une quantité d'herbes qui sont quand même intéressantes, mais je ne vous cacherai pas qu'après l'automne, beaucoup moins d'herbes, bien entendu. Beaucoup moins de fleurs aussi, parce que quand on parle d'herbes, on parle de fleurs, on parle de graines aussi. Automatiquement, la plante, elle évolue dans le temps. Et vous les conservez comment alors, ces jolies plantes et herbes du printemps? Si vous voulez en disposer toute l'année, on peut facilement les surgeler? Ça ne dénature pas leur qualité? Surgeler, ce n'est pas la meilleure façon. La plupart des herbes surgelées, on peut le dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Oui. Vous avez quelques herbes qui sont intéressantes à sécher, par contre. Mm-hmm. Ah. L'exemple de la spérule, la reine des prés, par exemple, qui... sécher a toujours ce goût si particulier qui peut aromatiser des sauces, des jus, voire des desserts. Mmh. Donc on peut garder. Après, on peut le garder sous forme de préparation. Vous avez des vinaigres d'herbes particulières, des huiles aromatisées, bien entendu. Voire des préparations pasteurisées, genre de pistou ou de pâte d'herbe. Mais ça reste limité à ce niveau-là. Quoi. Alors, on peut rebondir sur ces huiles aromatisées. Oui, mais justement, dans votre livre, ça, j'ai beaucoup aimé toute la partie qui est consacrée aux huiles et aux vinaigres, parce que ça donne des bons conseils, non seulement pour les produire, mais aussi pour les conserver. Parce que, chef, j'imagine que vous ne me contredirez pas, mais il faut faire attention quand on fait des préparations, avec des produits végétaux, parce que la conservation peut être problématique et on peut avoir des soucis. Et, on peut peut-être demander, justement, quels sont vos conseils, oui. Régis Marcon, pour par exemple réaliser une petite huile à base de plantes, prenons un grand classique, basilic par exemple. Alors chaque herbe est particulière aussi. Vous avez une astringence qui est plus ou moins poussée suivant les herbes, des herbes qui ont un taux d'humidité un peu plus important que d'autres. Le procédé, on chauffe un tout petit peu avec l'huile dans le mix, marche plutôt bien. Ce serait le plus simple pour être adaptable à tout le monde. Nous, on nous procède autrement. On a un extracteur avec un vis sans fin qui permet d'avoir une extraction hyper lente, voire panagressive, ce qui permet à la plante de ne pas être chauffée et de garder à la fois sa couleur, son côté chlorophylle, mais aussi son parfum. Et après, on le mélange avec des huiles et là, on a vraiment l'œuf. Parfum particulier de la plante. J'avais une petite question. Il me semble, dans votre bouquin, que pour certaines herbes, vous les blanchissez pour les rafraîchir après dans l'eau froide. Dans quel cas on va procéder de la sorte? Je vous donne un exemple, ça va vous parler tout de suite. Vous voulez faire un petit pistou de basilic que vous allez servir le lendemain, par exemple, voire vous voulez le garder éventuellement au frigo. Vous allez blanchir, c'est-à-dire plonger 3 secondes, je dirais, les feuilles de basilic dans une eau bouillante, si possible légèrement salée. D'accord. Vous refroidissez dans une eau glacée, voire une eau froide, si vous n'avez pas les glaçons sur place. Et vous allez faire votre pistou avec ce basilic. Ça vous permettra d'avoir un basilic qui ne prendra pas ce côté grisâtre. Il restera très vert. Alors, quand on sait que quand même à l'œil, c'est intéressant aussi d'avoir des préparations qui soient chatoyantes, surtout au niveau du vert. Voilà, vous avez un pistou qui va se garder 2-3 jours de couleur très verte. Donc je vais retenir 3 choses déjà depuis quelques minutes. On peut donc sécher toutes ces herbes aromatiques. Pour les sécher, vous les faites la comment plupart, hein. Pas tout. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait opérer pour sécher une... Qu'est-ce que vous séchez par exemple, vous Alors je m'excuse, je reviens au livre parce que... Mais c'est très bien. Il n'y a pas de généralité en fait. Vous avez des herbes qui n'ont pas d'intérêt à être séchées. Mmh. C'est pourquoi j'ai réalisé des fiches spécifiques à chaque herbe. Pour c'est-à-dire celle-ci, elle n'a pas d'intérêt, celle-ci elle a de l'intérêt, celle-ci on va la sécher de telle façon, vous voyez. L'idéal c'est le déshydratateur ou les faire sécher à l'ombre dans la période chaude. Donc on pourrait en faire un petit bouquet, les laisser pendre par exemple dans une cave Tout à fait. Voilà. C'est la... Mais vous avez des herbes qui sont intéressantes que sèches. Par exemple, la spérule odorante n'a de l'intérêt que quand elle a commencé à sécher au bout de 3 ou 4 jours. Le séchage dans un four ménager à 60-70 degrés, ça marche, non, hein, on est d'accord. Plus bas. Oui. Hein. Plus bas. Même plus bas encore, oui. Okay. Donc je retiens le séchage de ces plantes aromatiques, je retiens l'extracteur qui nous sera très utile si on veut récolter la quintessence, voilà. le jus de ces merveilleuses herbes, qu'on peut donc du coup congeler pour utiliser tout au long de l'année. Et troisième point... Mais congeler, c'est pas... le chef nous a dit que c'était pas terrible. Hein. Oui, mais si on a le jus de ces plantes, on peut surgeler ça. Un peu comme le champignon, ouais. Le champignon... surgelé à l'état pur, ça ne donne pas souvent d'excellents résultats. Par contre, un champignon cuisiné voilà. surgelé, bien colmaté, avec operculé, on peut ressortir les champignons en plein hiver, ils sont délicieux. C'est pareil pour l'herbe, faire des coulis d'herbe. Là, déjà, il y a une pasteurisation qui a été faite, et vous les surgelez après, bien colmaté, vous pouvez récupérer une petite purée de persil qui est excellente. Ceci dit, le persil, on en trouve un peu toute l'année quand même, mais c'est une herbe particulière, bien entendu. Et donc, on retiendra aussi l'opération de blanchiment de certaines herbes, notamment le basilic, pour garder une jolie couleur, notamment lors de la confection du pistou. Julien Hazard, vous êtes fromager affineur. Vous avez eu l'occasion, le grand honneur d'aller déguster à la table du chef 3 étoiles, Régis Marcon, et de Jacques, qui officie à ses côtés. Vous en gardez quoi comme souvenir ? Oh, mais c'est un magnifique souvenir déjà. L'endroit est magnifique, la région est magnifique. Et puis à table, ce sont des plats très très gourmands, comme moi je les aime. Je me souviens d'un œuf avec un ragoût de lentilles. On est dans la région des lentilles vertes. Et ça m'avait tellement plu parce que c'est tellement simple sur le produit, mais ça avait tellement de goût. Et c'est ça qui est pour moi très important, c'est le rattachement avec la région également, comme le chef disait, le port d'Auvergne aussi qu'on a eu en service, magnifique, vraiment un très beau souvenir. Et puis c'est assez amusant parce que moi je suis aussi un grand fanat de ski de fond, et puis on avait un peu discuté de ski de fond avec le chef à table et de la tranche jurassienne que monsieur faisait toujours. Voilà. Alors dites-moi, on parle peut-être d'un produit tout à fait emblématique de votre région, Régis Marcon, les lentilles. Elles sont incontournables. Si on veut cuisiner un bon plat de lentilles, là c'est l'automne, on a un petit peu froid par moment, quelles sont les herbes aromatiques qu'on pourrait y intégrer pour rendre ce plat un petit peu plus original, dirons-nous ? Alors vous savez, on restait très classique chez nous. Un ragoût de lentilles, c'est terminé par une pincée de persil. Or, la chance de voyager, de goûter d'autres lentilles, et notamment en Inde, on voit le côté épicé qui peut être intéressant avec les lentilles pour les relever, parce que c'est une fabuleuse légumineuse. Vous avez des estragons, là on sort des herbes que l'on connaît un peu dans la nature, mais l'estragon mexicain, par exemple, la menthe coque, ce sont toutes ces herbes qui ont un côté un peu piquant, la sarriette. L'hysope, vous voyez, ce sont des... puis en même temps, ces herbes, elles ont un autre intérêt, elles ont cet intérêt gustatif, bien entendu, mais elles permettent d'avoir, je dirais, de digérer encore mieux les légumineuses, ceux qui ont des problèmes pour les digérer. La meilleure façon de digérer les légumineuses, c'est d'en manger souvent. Voilà, ouais, tout à fait. Petit détail quand même que je me peux me permettre de dire, c'est on a tort quelquefois, souvent sur les lentilles, et j'étais le premier à le dire, de les cuire en direct. Le mieux, c'est de leur faire une pré-germination. Vous les faites tremper. Vous faites tremper aussi les lentilles. Quoi, 24 heures ? Voilà, maintenant je le fais. Avant, je ne le faisais pas, et je trouve que c'est beaucoup mieux. On a une pré-germination, donc la plante s'est un peu réveillée avant d'être cuisinée. Mm-hmm. Oui, et donc vous faites tremper combien de temps, plus ou moins ? Une nuit, tout simplement. Une nuit, et comme puis vous faites une cuisson. La cuisson est plus rapide, bien entendu. Oui, bien sûr. Attention. Voilà, et donc là, vous pouvez aromatiser en fin de cuisson, j'imagine, avec quelques herbes bien fraîches, là, à ce moment-là. Voilà. Alors oui, ça, c'est tout l'utilisation des herbes. Vous avez les herbes qui s'ajoutent pendant la cuisson. Là, on connaît les classiques, thym, laurier, voire d'autres herbes, serpolet. Mais vous avez des herbes qui s'utilisent au dernier moment, parce que c'est là que le parfum explose, vraiment, en bouche et dans la préparation. Alors, on est aussi en pleine période des champignons. Imaginons une petite poêlée de champignons à l'ail. Quelle serait la petite touche finale en matière d'herbes qu'on pourrait intégrer à ces champignons ? Il y a le classique persil plat, mais il y a d'autres choses, j'imagine. Oui, bien sûr. Bah, l'idéal, c'est, je parlais du thym ou du serpolet, c'est souvent dans les poêlés, les mettre au dernier moment. Ouais. En même temps, il faut faire très attention avec les herbes parce qu'elle peut aussi être un peu plus forte que le champignon. Donc, c'est plus dans la quantité d'herbes que l'on rajoute qui fait la finesse du plat. Exemple type, vous parliez du persil, mais ça peut être aussi... moi, je me permets quelquefois sur certains lactaires de rajouter des coriandres, par exemple. Ça peut être intéressant. De la sarriette, de la cistre aussi. La cistre qui est un fenouil sauvage chez nous, qui va très bien avec certaines amanites. Voilà, on a tout un panel qui peut être intéressant à ce niveau-là. C'est vrai que, Carlo, on reste souvent sur les grands classiques en matière de poêlée de champignons, mettre un peu de coriandre, pourquoi pas. Oui, pas sur les cèpes. C'est vrai que le champignon, parfois, c'est tellement bon qu'effectivement, on doit l'accompagner et surtout respecter les règles de cuisson du champignon, c'est tellement important. Moi, je voudrais faire réagir notre fromager affineur Julien Hazard. On vend souvent des fromages aux fines herbes chez les fromagers ou en grande distribution. Vous en pensez quoi? Je suis pas un grand fan de fromage avec les herbes. Souvent, ça masque trop le côté laiteux du fromage. On fait surtout ça sur les fromages de chèvre qui ont quand même une certaine fraîcheur, une certaine acidité. C'est vrai que là, certaines herbes peuvent être bonnes, comme la ciboulette. Mais j'ai plus difficile avec des herbes comme le basilic et tout ça qui sont déjà très très goûtues. Et puis avec le fromage, moi je préfère le goût pur. Donc voilà, c'est pas mon accord préféré, mais je comprends qu'en été, quand il fait beau, ça peut goûter aux gens. Moi, je trouve qu'un petit morceau de chèvre avec un petit peu de ciboulette ciselée, chèvre frais, ça peut être bon. Vous en pensez quoi, Régis Marcon, notre chef du jour, je le rappelle, 3 étoiles. Non, mais vous parliez de ciboulette à l'instant, c'est vrai qu'avec le chèvre, c'est très intéressant, surtout au printemps. Mais l'idéal, c'est les fleurs de ciboulette, là, parce que vous avez un parfum qui est un petit peu moins intense. Ouais. Puis, bon, je crois que c'est comme tout, on aime bien le côté aussi coloré, qui peut amener une petite fleur, bien entendu. La ciboulette que certains appellent les appétits. Je ne sais pas comment ça se dit chez alors vous. Alors les appétits, les appétits, c'est plutôt ma grand-mère disait les appétits. Voilà. Oui. Et nous avons une spécialité. Nous, on n'utilise pas des fleurs de ciboulette, mais de la fleur de fenouil sur chèvre frais. Donc on a ce côté très légèrement anisé qui est très très intéressant, justement avec cette acidité du fromage de chèvre frais qui. Ça, c'est très bon. Je suis d'accord. Alors, dans ce livre « Herbes » par vous, Régis Marcon, vous distillez une foule de petites astuces pour utiliser toutes ces herbes tout au long des saisons. Il y a par exemple un petit truc très sympa, c'est la friture d'herbes. Et là, vous prenez le cas de la sauge, par exemple. Une baguette de sauge. Et quoi, vous faites des petites chips de sauge. Nos amis italiennes, ne démentent pas. Des grands moments dans les apéritifs en Italie où on croque les sauges frites. C'est délicieux, bon, ça, c'est sûr. Donc vous trempez simplement l'herbe dans du lait entier, vous les passez dans de la farine et vous faites cuire tout simplement. C'est une petite pellicule qui permet de souffler légèrement, un peu comme des tempuras. Mmh. Pour avoir une bonne petite sauge bien fraîche aussi. Ça, c'est important. Et en Provence, on disait que celui qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin du médecin. C'est vrai. Ah oui. Donc, voilà. mais la sauge... toujours sur le côté médicinal. La sauge, on peut l'utiliser comment, chef? Quelles sont les associations qui marchent bien avec la sauge en général, en matière de viande? C'est une herbe un peu particulière, comme je vous disais tout à l'heure, chaque herbe est un peu particulière, mais souvent, quand vous la glissez dans un jus, dès l'ébullition, il faut retirer tout de suite la sauge, parce que vous avez juste le parfum particulier de la sauge. Ouais. Si vous la laissez encore un peu plus, vous avez un mauvais parfum exact. De la sauge. Ouais. Vous voyez? Donc c'est une herbe un peu fugitive. Et la sauge, sinon c'est très intéressant, surtout dans les farces. Et c'est la meilleure... volaille, notamment. Oui. Oui, sinon, un grand classique, hein, Carlo, c'est l'escalope à la sauge. C'est une association qui marche très très bien. En tout cas, les Italiens adorent la sauge avec le veau, que ce soit le rôti ou effectivement l'escalope. On oublie souvent que le saltimbocca, ce n'est que de la sauge et du jambon de Parme et rien d'autre. Mmh. Mais effectivement, il faut veiller à ne pas réveiller ce mauvais goût de sauge qui devient un petit peu amer quand on la force un petit peu trop. trop. Mais sinon, dans le jus de veau avec du beurre, c'est merveilleux. Et puisqu'on parlait de pâtes il y a un instant, chef, vous distillez une recette de pâtes faites maison aux herbes. Donc là, vous travaillez votre pâte. Bon, là, on peut mettre une recette, évidemment, sur le site lapremiere.be. Mais vous incorporez une mixture, en fait, d'herbes aromatiques. Oui, c'est un peu la cuisine qu'on retrouve en Italie. C'est une cuisine un petit peu instantanée. C'est d'avoir simplement un petit pilon et vous allez écraser les herbes. Ça, c'est un peu l'astuce maison. Hein. Vous prenez quelques herbes du jardin qui vous paraissent intéressantes, pas trop fortes non plus. Mmh. Et dans votre pilon, vous allez les écraser. Vous mettez un tout petit peu d'eau de cuisson des herbes. Ça vous fait une petite bouillie. Vous remettez tout ça avec les pâtes. Et vous travaillez donc la pâte avec cette mixture d'herbes aromatiques. Ça peut être magnifique. Ça change des épinards. Mais oui, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. C'est tellement clair et en fait, on n'y pense pas forcément. Et là, il y a par exemple une pâte à ravioles imprimée. Là, vous travaillez la pâte, vous l'aplatissez et vous disséminez ici et là des petites feuilles de persil plat ou de basilic et vous refermez la pâte. C'est magnifique. Sophie, souvenez-vous, nous recevions il y a quelques semaines Alex Joseph, le chef du Rouge Tomate, qui pratique ce genre de choses dans notre capitale également. Avant de se quitter, Régis Marcon, moi je voudrais que vous nous donniez un bon conseil pour un beurre monté aux herbes. La bien de saison, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, dans toutes les sauces, on sait qu'il faut essayer d'équilibrer, d'amener une certaine acidité, une certaine souplesse en même temps. Le beurre blanc reste cette sauce intéressante à réaliser, tout simplement parce qu'elle est tellement simple et elle accompagne tellement bien les poissons. Vous mettez un mélange autant pour temps de vinaigre un peu doux. Si vous avez un vinaigre de cidre, ça peut être le bienvenu. Oui. Un vin blanc sec avec quelques échalotes qui vont amener un peu d'acreté. Vous le faites réduire presque à sec. Et vous allez soit rajouter de l'eau, soit une lichette de crème. Et vous allez ajouter vos herbes au tout dernier moment, hachées voire ciselées. Si vous voulez avoir un petit peu la texture de l'herbe. Et là, l'herbe va exploser dans ce mélange. C'est un beurre blanc aux herbes, tout simplement. Alors, et on ajoute le beurre avec les herbes. Non, d'abord le beurre sur la réduction, hein, c'est ça, chef. Donc on a la réduction, le beurre, et puis ensuite la crème, on est d'accord? Voilà. Et puis les herbes à la fin. Voilà, tout à fait. Là, vous avez vraiment la fraîcheur. Sinon, vous pouvez faire plus simple, hein. Vin blanc, vinaigre, échalote. Dès que c'est réduit, vous mettez un tout petit peu d'eau et vous montez au beurre avec les herbes. Ouh, j'ai faim, c'est normal. Le beurre blanc, c'est la sauce quand même inratable. C'est tellement bon et parfois un peu oublié chez nous. Et qui fait partie des incontournables. C'est la simplicité même, mais en même temps, ça relève tellement bien les herbes elles-mêmes que c'est intéressant. Voilà, en tous les cas, je ne peux que renvoyer nos auditeurs à votre ouvrage. C'est une encyclopédie, et je dois dire, les recettes sont très élaborées. C'est pas forcément... Oui, mais il y a tout sur les herbes. Mais voilà, on a surtout les bons conseils pour les gestes de base de toutes ces herbes. Mais alors là, je suis tombée sur un velouté de potimarron, la feuille de coriandre, une fricassée de grenouilles et mousserons relevés à l'ail. Le jour où vous faites des grenouilles, je veux être là quand même, Sophie. Magnifique. Vous savez ce que je vais faire? Chef, je quitte l'émission et je vous rejoins tout de suite. Merci. Voilà, Régis, vous revenez quand vous voulez. La prochaine fois, j'espère que ce sera à Bruxelles. Ah oui, ça, on est bien vous accueillir chez nous. Beaucoup votre ville, en tout cas. Ah bah écoutez, on aime en tout cas votre cuisine et nous n'hésiterons pas à y venir faire un petit tour, n'est-ce pas, Carlo? C'est vous m'invitez. Voilà, merci beaucoup, Régis, et très bon à nos amis belges, samedi à vous. Merci. Voilà, à suivre, Carlo. On va parler fromton avec Maître Julien Hazard. Aujourd'hui, un fromage de saison, le Mont d'Or. Ce sera juste après la pub. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à midi. Transversal avec Olivier Nederland. Nous ne sommes pas handicapés, c'est juste une question de langue. Les sourds et malentendants sont près d'un million en Belgique. Ils ont leur code, leur langage, leur humour aussi. Et ceux qui entendent ne connaissent que très peu ce monde du silence. Nous tenterons de l'approcher un peu mieux lors d'un voyage à Toulouse, l'une des rares villes qui propose aux sourds une scolarité quasi complète. Transversal. De midi à 13h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La première présente au 140, Daran en concert dans le cadre du Festival francophone. Y a vu sur l'autoroute, y a vu sur terrain vague, y a vu sur nœud ferroviaire. Daran au 140, le 8 octobre avec le soir. Y a vu d'en bas. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables.

ne s'amuse plus du tout. Jazz, Méditerranée. Jazz, Méditerranée. Jazz. Un fromage, c'est le nouveau rendez-vous de cette saison Bientôt à table 2016 avec Maître Julien Hazard. Ça va toujours, Julien ? Très très bien. Merci. Alors aujourd'hui, zoom sur un fromage bien de saison, Mondor, suisse ou français ? Nous verrons de quoi nous parlons. Quand on parle de saison, c'est vraiment, on est en plein dedans là en ce moment ? Ça a commencé le 10 septembre ouais. Et ça se terminera le 10 mai. Voilà. Alors, peut-être un petit mot sur l'histoire de ce fromage qui a été imaginé par des fermiers ? En manque de pâte de fromage, c'est ça ? Oui, donc on retrouve les premières traces de ce fromage au 15e siècle. Et donc il faut savoir que c'est vraiment un fromage qui est saisonnier. Et en fait... On est sur le massif du Mont d'Or, c'est ça ? On est en Franche-Comté, ouais. Dans le Haut-Doubs et sur le massif du Mont d'Or. D'accord. Près des sources du Doubs. Oui, faites votre malin, hein, vous. Ah oui, un des endroits les plus froids de France. C'est vrai. Et donc, ce qu'il y a, c'est... Oui. J'aime la région, j'y peux rien. La saison est telle que le fromage a eu sa saisonnalité à cause de la météo. Mmh. Dans cette région-là, qui était en fait une région productrice de grandes meules, le Comté, quand l'automne arrivait, il commençait à faire froid. Et de un, les vaches rentraient dans les étables et donc la production de lait allait en diminuant et la collecte du lait allait justement, c'était toujours plus difficile de collecter le lait. Et donc les fermiers n'arrivant plus à apporter leur lait à la fruitière pour faire du comté, ont décidé de produire un fromage chez eux, un fromage fermier. Mmh. Plus petit forcément. Beaucoup plus petit. Évidemment. Et ils ont décidé de le faire à pâte molle ouais. Et donc également dégoûter moins le caillé. Donc il restait encore beaucoup de petit lait dans le caillé, un fromage qui allait être beaucoup plus coulant. Et donc ils ont dû l'enfermer dans une boîte pour qu'il ne coule pas. La fameuse boîte en épicéa, c'est toujours en épicéa ? C'est toujours c'est en épicéa. Et donc typique pour la région naturellement, l'épicéa, le bois de sapin. Dans ouais. tout le Jura, on ne retrouve bah, que sûr. Des sapins. Mmh. On l'appelle ouais. aussi le fromage de boîte dans la région. La deuxième grande particularité, c'est en fait le fait qu'il soit sanglé avec une sangle d'épicéa également. Et ça confère un goût particulier, ce contact au bois, j'imagine que on oui. On dit que oui, hein. On bah, dit que oui. même si on ne le trouve pas. Hein. Ah, pour moi, ça donne bah, véritablement, quand on a des bonnes productions ou des plus petits producteurs, ça donne vraiment des arômes fort boisés. Ouais. Et on va retrouver des arômes boisés surtout sur les petites boîtes et moins sur les grandes ah boîtes. Ah ouais, d'accord. Donc plutôt aller vers des petites boîtes. Pour le côté boisé, voilà. En tout cas, oui. Ouais. Mais quand même, la grande boîte, quand tu la poses au milieu de la table et que tu fais la bataille autour du Mondor. Ah oui, plusieurs. Mais vous nous donnerez vos conseils pour le déguster, ce fameux Mondor. Mais alors, il y a quand même une grosse différence entre le Mondor français et le Mondor suisse. D'ailleurs, il ne s'appelle pas de la même manière. Non, donc il y a le Mondor AOP pour les Français. Ouais. Et les Suisses l'appellent le Vacherin Mondor, AOP également. Donc ouais. Il faut savoir que l'AOP ou l'AOC français a été créé en 1981. Ils ont eu l'AOP en 96. Les Suisses n'ont eu qu'en 2003. L'AOP du Mondor français est quand même fort strict. De un, c'est un fromage à pâte molle, à croûte lavée. Mais au lait cru. Au lait cru de vache. Il n'y a que deux races de vaches qu'on peut utiliser. Ce sont la Simmental et la Montbéliard. Ouais. Et également, il faut 1 hectare de terrain par vache. Donc on sait qu'elles vont donner un lait merveilleusement floral, complexe. Ah, voilà. Je crois, c'est bien ça, le Mont, vive le Mont d'Or. Mais oui, c'est bon. Français, mais les Suisses, ils ont prévu quoi, les Suisses? Les Suisses font en fait le même fromage, car en fait, ils ont repris la recette en 1871. C'est les soldats de l'armée... C'est pas le contraire. Hein. Voilà. C'est les soldats. On leur en a piqué beaucoup aussi. C'est les soldats de l'armée de Bourbaki qui ont ramené la recette du Mont d'Or en Suisse. Et ils ont commencé à produire le même fromage. Ouais. Et ils étaient commercialement un peu plus forts que les Français. Et il y avait un grand essor, en fait, de Mont d'Or, ou Vacherin Mont d'Or suisse, qui a été arrêté de manière abrupte dans les années 80, entre 83 et 85, avec un gros problème de listériose en Suisse. On a même appelé ça le fromage qui tue. Donc ils sont passés au pasteurisé, c'est et ça. Ils ont dû arrêter la production pendant un an et redémarrer en 1988 en lait thermisé. Et donc, c'est ça la grande... Lait thermisé, pasteurisé, c'est quoi la différence de température? 55 degrés pour la thermisation et 72,3 pour la pasteurisation. Bon, c'est un moindre mal, bon, vous allez me dire. Bon. Oui, mais c'est vrai qu'on a quand même plus du lait cru. Oui. Mais pendant toute l'année, non? Ils ont commencé le 16 septembre. Okay. D'accord, mais donc ils ne produisent plus du tout au lait cru, ce fameux Vacherin Mondor suisse. Non, absolument pas. Ouais. Et donc ça, c'est la première grande différence. La deuxième différence, c'est que l'affinage est un peu différent. Mmh. Les Suisses affinent dans des plus grands endroits, donc ils affinent aussi un peu plus chaud. Ça donne des fromages un peu plus typés également. D'accord. Donc, si on doit aller sur les conseils, on irait sur quel type de fromage français, suisse, et à quel moment de la saison, puisque la saison court quand même de septembre à mai, hein, si je vous ai bien suivi. J'imagine que la qualité du lait évolue aussi en fonction de la traite en hiver. Eh bien, on va avoir des fromages maintenant, des fromages qui sont encore assez doux, pas très typés. Quand on va plus vers l'hiver, les vaches ont déjà plus longtemps des animaux, du foie, donc du plus foin, des herbes fraîches. Ouais. Et donc, ça va donner des fromages plus typés. D'accord. Donc, au plus on va vers la fin de la saison, au plus les fromages vont être typés. Voilà pour les bons conseils sur ce célèbre Mont d'Or, le Mont d'Or pour le franc-comtois et le Vacherin Mont d'Or pour les Suisses. Mais c'est extraordinaire. Et on a bien retenu, hein? Non, puis surtout... Bon, Carlo, et vous les dégustez comment, vos petites boîtes de Mont d'Or? D'abord, le Mont d'Or, c'est un fromage qui n'aime vraiment pas le froid. Non. Donc, il faut le sortir. À température ambiante. Alors évidemment, c'est très bon comme ça, juste à la cuillère, sur le pain. Mais sinon, évidemment, la fameuse boîte chaude. Moi, j'ai un souvenir, à me souvenir du restaurant, mais à Morzine, on est juste en face, de l'autre côté, côté Alpes, donc on fait des boîtes chaudes, et alors on les sert avec des quartiers de pommes de terre confits au beurre. C'est-à-dire que là, il faut prendre un peu son temps. Vous faites les pommes de terre en quartiers, et c'est pas que vous faites sauter les patates de manière violente, et... Non, vous concentrez un petit peu. Vous allez faire chaque patate sur les trois faces sur les trois côtés de son quartier, jusqu'à ce qu'elles soient vraiment confite dans le beurre. Quand c'est vraiment confit avec une jolie croûte et que c'est moelleux à l'intérieur, vous mangez en même temps les patates et le fromage et après... Dites, moi je rajouterais un peu d'ail là-dedans. Peut-être. Qu'est-ce que j'ai dit? J'aime l'ail dans la fondue, c'est vrai. Ah ouais. J'aime l'ail dans la fondue, mais le Mont d'Or a des parfums quand même assez délicats. C'est très délicat en bouche. C'est très délicat. Ouais. C'était une très mauvaise idée. Non, Sophie, vous avez... Mais un petit peu de vin jaune. Ah oui. Ah, voilà. un petit peu de vin blanc. Ça, oui. Et donc, évidemment, on en parlait hors antenne avec Julien, on avait les mêmes souvenirs. Ouais. La poêlée de champi avec le Mont d'Or. Oh là là. C'est trop bien. Et ça, c'est le moment. Bon, mais c'est bon. Maintenant. Alors voilà, il est midi. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ne pas le manger chaud, le manger froid, par exemple, quand il est juste coulant. Et ça, vous le servez avec un champagne brut. C'est un accord magnifique.

En octobre, Expert Literie vous offre 16% de remise et donc 16% de confort en plus. La première présente... Attends, qu'est-ce que tu fais là? Ben, rien... Quoi, tu jettes les feuilles des carottes? Non mais ça va pas. C'est parce que je pensais... Allez hop, passe-les-moi. Je vais en faire une soupe de dingue. Tu vas voir. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. On ouvre pas, on a déjà dépassé d'une heure. La fille inconnue, le nouveau film de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Adèle Hanel. Il s'est passé quelque chose de grave ? On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve. Présenté au Festival de Cannes et en ouverture du Festival de Namur, La fille inconnue, une coproduction RTBF, actuellement au cinéma. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va l'enterrer sans connaître son nom. Connections a 30 ans. Fêtez ça avec nous et découvrez le monde à partir de seulement 300 euros. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'à demain soir. Surfez vite sur connections.be. La première, météo. Très belle journée à toutes et tous. Le ciel va s'ouvrir un peu cet après-midi pour laisser apparaître des éclaircies entre les nuages. Ça restera plus chargé sur le sud-est avec encore un risque d'averse sur l'Ardenne et les Hauts-de-Fagne. Les maxima sont un peu frais aujourd'hui, 10 à 11 degrés sur la hauteur, 13 à 15 degrés partout ailleurs. La nuit prochaine sera calme et plutôt fraîche. Et puis demain, la journée s'annonce agréable et ensoleillée, mais également assez fraîche. On attend pour demain des maxima entre 9 et 14 degrés. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. La première. Il est midi. Pierre-Yves Magens avec vous, bonjour. La côte est des États-Unis commence à tirer un premier bilan après le passage de l'ouragan Matthew. En Floride, au moins 4 personnes ont perdu la vie à cause des intempéries. Plus d'un million sont privés d'électricité pendant que des villes restent encore menacées d'inondations. Une région qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Haïti, où l'ouragan a fait des ravages en début de semaine. Là, les morts s'y comptent par centaines. Un bilan fait état de plus de 950 décès. Il pourrait encore s'alourdir, sans compter les gens qui n'ont plus rien, comme l'explique la porte-parole de l'UNICEF en Haïti, Cornelia Walter. On a appris qu'il y a 70 à 80% des maisons qu'ils ont détruites, qu'il y a beaucoup de écoles qu'ils ont soit détruites, soit inondées, soit utilisées comme abri d'urgence, qu'il y a des centres de santé et des hôpitaux qui ont perdu des toits, qu'ils ont endommagés, qui ne sont pas opérationnels. Il y a beaucoup de dommages dans les infrastructures, y compris les infrastructures de l'eau et de l'assainissement. Des propos recueillis ce matin par Thomas de Brouckère. Les négociations sur le budget fédéral ont repris il y a une heure. Elles se sont interrompues hier soir et le temps presse pour le gouvernement fédéral. Le compte à rebours est lancé. Il ne lui reste que 3 jours pour conclure ses travaux budgétaires. L'objectif, c'est d'être prêt pour la déclaration de politique générale. Le Premier ministre est attendu devant les députés lors de la rentrée parlementaire mardi après-midi. Selon les dernières projections, le conclave devait encore réaliser un effort de quelques 3 milliards d'euros pour ramener le budget dans la trajectoire européenne. Des diplomates turcs ont demandé l'asile en Allemagne après le putsch avorté de juillet. Selon des médias allemands, la Turquie a demandé le retrait des passeports diplomatiques de huit de ces diplomates en Allemagne. Ils sont soupçonnés d'être des partisans du prédicateur Fethullah Gülen. Les autorités turques ont lancé une vaste purge dans l'armée et dans la fonction publique après le putsch de juillet. L'Office fédéral allemand pour les réfugiés et la migration ne s'est pas encore prononcé sur les demandes d'asile. La presse allemande y voit un nouveau test pour les relations diplomatiques entre la Turquie et l'Allemagne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous et bel après-midi. Toute l'info est sur rtbf.be. Où est la plus grande foire au vin de Belgique ? Chez Cora ! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. Слава народу победителю. J'entame cette nouvelle année plein d'espoir. I will do everything in my power as president. Ce sera incontestablement un gouvernement du centre droit. L'acte d'accusation est lourd. Mettez de l'ordre dans votre gouvernement, monsieur le Premier ministre. La première, midi 13h le samedi, transversale, avec Olivier Nederland. Bonjour à tous et bon week-end. C'est un monde que nous ne connaissons pas, en tout cas si comme moi vous faites partie de ceux qui entendent normalement ou presque Le monde des sourds nous est inconnu. Il a pourtant ses codes, son langage, sa culture même et son humour aussi. À l'occasion de l'opération Cap 48 qui s'achève ce week-end, nous vous invitons à découvrir un monde en soi. Un monde qui n'aime d'ailleurs pas que l'on parle de handicap. C'est une question de langage, disent les sourds. Nous irons à Toulouse, la seule ville de France à proposer aux sourds une scolarité complète. De la maternelle au bac, nous y serons dans un instant. Nous irons aussi en Amérique latine, à San Paolo d'abord. Après les élections municipales au Brésil la semaine dernière, San Paolo, la plus grande ville du pays, est en train de changer de visage. Visite d'ici une vingtaine de minutes. Et puis visite aussi à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Nous plongerons dans le lac Titicaca, où depuis un petit moment déjà, des archéologues belges s'intéressent à une civilisation très ancienne. Elle ne connaissait pas l'écriture. C'est la civilisation Tiwanaku. Merci d'être au rendez-vous de Transversal. Bienvenue dans le magazine de reportage des rédactions de la RTBF. Transversal sur la première. Et je vous propose donc pour commencer d'aller à la découverte d'un univers méconnu pour beaucoup d'entre nous, c'est le monde des sourds. Ne pas entendre ou vivre avec une déficience auditive importante, près de 9% de la population belge est concernée. Ça représente tout de même près d'1 million de personnes. Une communauté qui a ses propres codes, sa propre culture, sa langue aussi bien sûr. Une langue des signes de plus en plus revendiquée. Si dans le passé on forçait les sourds à s'adapter au monde des entendants, en oralisant, c'est-à-dire en parlant artificiellement finalement, eh bien les choses ont évolué aujourd'hui. L'enseignement de la langue des signes se répand. Aux États-Unis, il existe même une université qui enseigne en langue des signes. Et puis plus près de chez nous, en France, la ville de Toulouse